Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vais vous parler de culture chez les animaux, une capacité qu'on a bien longtemps pensé être uniquement réservée à l'être humain. Vous verrez que nous nous sommes bien trompés. J'aurai ensuite la chance de recevoir la docteure Camille Troisy, postdoctorante à l'Université College de Cork, en Irlande. Avant cela, elle a fait sa thèse à l'Université de St. Andrews, en Écosse, et elle vient nous parler de ses recherches et enseignements chez les animaux. Elle a étudié deux espèces, les tamarins lions dorés, de petits singes originaires du Brésil, et les poules. Bonjour Camille, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Depuis Aristote et ses premières ébauches de classification, les êtres humains cherchent à définir ce qui fait de l'homme un animal à part. Les naturalistes de tout poil ont cherché au cours des siècles à cerner ce que l'on appelle le propre de l'homme, ce qui fait son originalité, ce qui pourrait expliquer son écrasante et indiscutable supériorité sur les autres espèces animales. Quel serait ce super pouvoir que les autres ne possèdent pas ? Le rire ? L'utilisation du feu ? Le langage ? L'utilisation d'outils ? La culture. Chacune de ces particularités s'est révélée, en réalité, pas si rare ni si unique que ça. On a même pu les observer chez d'autres espèces qu'Homo sapiens. L'humain ne serait donc pas l'espèce dominante qui surplombe l'ensemble du monde vivant ? On nous aurait menti ? Je pourrais vous faire 10 chroniques sur chacune de ces particularités longtemps considérées comme propres à l'être humain. Mais aujourd'hui, c'est de culture dont je vais vous parler. Mais avant toute chose, la culture, comment est-ce qu'on la définit ? Même chez l'humain, finalement, ce n'est pas si simple. Comme pour toute question un peu épineuse qui touche à notre humanité, il y a débat. Gardez à l'esprit que plusieurs versions existent et que rares sont celles qui font l'unanimité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Celle que j'aime utiliser a été publiée par Kevin Laland, l'ancien directeur de thèse de notre invité, et Vincent Janik en 2006 dans la revue Trends in Ecology and Evolution. Ils décrivent la culture ou la tradition comme tous les comportements typiques d'un groupe, partagés par tous les membres des communautés animales qui ont été acquis par apprentissage social. Il faut donc retenir que les comportements culturels sont des innovations, de nouveaux comportements que l'on n'observe que dans certains groupes d'animaux, qui sont localisés géographiquement et qui se maintiennent dans le temps par apprentissage social. Les animaux apprennent les uns des autres et ces comportements ne semblent pas être transmis génétiquement. Ce qui est intéressant, c'est que deux populations d'une même espèce, qui ont les mêmes ressources à disposition, exprimeront ou non ce comportement. C'est par exemple le cas chez les orang-outans. Ceux qui vivent sur l'île de Sumatra utilisent des outils pour manger le fruit garni d'épines du nisia, alors que ceux de Bornéo n'utilisent pas du tout d'outils dans ce contexte-là, alors que ce fruit est présent également sur leur territoire. Il y a en plus un maintien dans le temps de ces traditions. Même quand les tout premiers innovateurs sont passés de vie à trépas, le comportement continue d'exister dans le groupe, puisqu'il est transmis de génération en génération. Les toutes premières observations qui posent la question de l'existence de culture chez les animaux datent du début du XXe siècle, en Angleterre. À l'époque, nos voisins britanniques recevaient chaque matin une bouteille de lait fermée par un opercule de cire ou d'étain sur le pas de leur porte. Or, il s'avère que dès 1921, les habitants se sont aperçus qu'ils se faisaient piller. À Swaysling, près de Stoneham, dans le Southampton, les mésanges bleus, noirs et charbonnières ouvrent les bouteilles et boivent avec délectation la crème. Et rapidement, le phénomène s'étend. C'est ce que documentent James Fisher et Robert Hind dans leur article publié en 1949 dans le journal British Birds. Il semblerait que les mésanges se passent le mot. Observé en un seul endroit en 1921, c'est sur 30 sites à travers le Royaume-Uni que le phénomène est recensé en 1947. Les auteurs de l'étude songeaient à l'époque que plusieurs mésanges avaient eu la même idée, au même moment, sans concertation, à plusieurs endroits différents. En effet, le comportement avait été observé dans plein d'endroits, plutôt éloignés les uns des autres, ce qui suggérait plusieurs découvreurs indépendants. Depuis, on a pu comprendre que cette transmission s'était faite par apprentissage social. Plus récemment, et pour résoudre cet épineux mystère, la chercheuse anglaise Lucy Applin et ses collaborateurs ont mis au point un dispositif très simple mais ingénieux. Une boîte qui contient de délicieux verres de farine peut être ouverte en faisant coulisser la porte, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Ces études ont été publiées dans le journal Nature en 2015. Les chercheurs ont donc appris à quelques mésanges capturés en nature, les démonstrateurs, l'une de ces stratégies. Pousser la porte vers la droite ou vers la gauche. Puis, quand les oiseaux ont bien compris la stratégie à reproduire, ils les ont relâchés dans la nature. Le dispositif a été placé en extérieur, en libre accès, et les scientifiques ont donc pu observer avec précision quels oiseaux venaient et quelles techniques ils avaient adoptées pour ouvrir cette boîte. Chaque oiseau avait bien sûr été préalablement bagué avec, à l'intérieur, une puce électronique miniature capable de l'identifier. Et les résultats sont bluffants. À partir de deux oiseaux entraînés pour chaque stratégie, gauche ou droite, l'information se répand rapidement dans la population jusqu'à atteindre une moyenne de 75% des individus qui apprennent à reproduire ce comportement et à ouvrir la boîte au moins une fois. Beaucoup moins d'oiseaux avaient été capables d'ouvrir la boîte dans d'autres groupes où ils n'avaient pas eu de démonstration. 53% de réussite au mieux. Chaque population a appris majoritairement la stratégie qui leur avait été montrée par l'oiseau démonstrateur. Mystère résolu. Le deuxième cas historique de transmission culturelle chez animaux nous vient d'une petite île japonaise appelée Koshima. Une équipe de chercheurs menée par Kenji Imanishi s'intéresse aux mœurs des macaques japonais qui peuplent l'île. Ils commencent à les apprivoiser et à les nourrir en leur apportant notamment des patates douces. Dès 1952, ils documentent leur comportement. Or, à partir de 1953, quelque chose de totalement inédit se produit. Une jeune femelle, âgée d'un peu plus d'un an, F-111, rebaptisée Imo par la suite, prend une patate douce et va la laver dans l'eau du ruisseau. Jusqu'à présent, les singes se contentaient de les manger directement. Ainsi débarrassé de ses impuretés et du sable, le tubercule gagne sans nul doute en saveur. Rapidement, en quelques mois, d'autres singes du groupe d'Imo se mettent à l'imiter. Sa mère Eba, mais aussi deux jeunes mâles, se mettent eux aussi à laver leurs patates. Au cours des années, c'est jusqu'à 30 singes de la troupe qui adoptent cette technique. Presque tout le monde s'y met, à l'exception de quelques vieux mâles, peu enclins à remettre en question leurs vieilles habitudes. Et Imo ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle continue les expérimentations, en lavant les patates dans l'eau de mer au lieu de l'eau douce, et elle se met également à rincer les graines de froment. De bonnes idées qui seront bien sûr suivies et mises en pratique par le reste du groupe. En matière de culture, on sait aussi dorénavant que les orques et les baleines se transmettent des techniques de chasse, que d'autres animaux comme les chimpanzés, les dauphins ou les corneilles de Nouvelle-Calédonie apprennent leur savoir-faire en matière d'outils de manière culturelle. On a aussi pu observer que les chants des baleines se propagent de manière incroyable d'un bout de l'océan à l'autre au gré des migrations des chanteurs, à tel point que l'on voit apparaître chez les baleines à bosse et autres cétacés mélomanes des hits de l'été repris par tous les chanteurs d'une même population, et ce à plusieurs milliers de kilomètres. Et ces chants varient au cours des saisons et des années. Fou. Une chose est sûre, l'homme est loin d'être le seul à être doué de culture. Loin s'en faut. Une étape de plus pour le faire redescendre de son piédestal et le remettre à sa juste place. Et nous revoilà avec notre invitée, la docteure Camille Troisy, postdoctorante à l'Université College de Cork en Irlande. Elle nous parle aujourd'hui de ses travaux de thèse menés à l'Université de St. Andrews sur l'enseignement chez les animaux. Alors, avant toute chose, moi je me demande, l'enseignement chez les animaux, en quoi ça consiste? Comment est-ce qu'on le définit? Ben oui, en fait, ça dépend vraiment de qui on demande. Il y a beaucoup de débats pour comment définir l'enseignement. Parce que pendant longtemps, comme vous l'avez dit, ça a été considéré comme quelque chose d'uniquement humain. Et donc, il y a certains psychologistes qui, justement, étudient l'enseignement chez les humains. Ils définissent ça comme vraiment, ce qui est important, c'est l'intention d'enseigner. D'accord. Donc, ça se base vraiment sur les capacités, capacité cognitive de l'enseignant. De l'enseignant, oui. Potentiel. Sauf que chez les animaux, c'est quand même beaucoup plus compliqué de puis comment mesurer l'intention. Voilà, comment c'est ça, parce que chez les humains, on peut leur demander vous voulez faire quoi, vous pensez à quoi, pourquoi vous avez fait ça, mais chez les animaux, on ne peut pas trop. Donc du coup, on est obligé de se baser sur sur quelque chose qu'on peut observer et mesurer, donc le comportement. Et donc il y a une définition qui est assez bien acceptée dans notre domaine, et ça définit le comportement avec trois critères. D'accord. Donc pour qu'un comportement soit considéré comme de l'enseignement, il faut premièrement que l'enseignant potentiel change son comportement. D'accord. Quand il y a un individu naïf, donc il peut pas faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il fait d'habitude. Comme d'habitude, ok. Faut vraiment qu'il y ait ce changement. Et ensuite, il faut que ce changement de comportement ait un coût. D'accord. Ou qu'il soit neutre. Il ne faut pas que le comportement bénéficie l'enseignant. Okay. Donc, ensuite, le troisième et le critère sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, c'est l'apprentissage social. Donc il faut que ce changement de comportement et un impact sur celui qui apprend potentiellement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une transmission d'informations et qu'il y ait un apprentissage ensuite de l'élève potentiel. D'accord. Donc, il faut vraiment retrouver le comportement que l'enseignant a appris à celui qui devait recevoir cet enseignement. Donc, par exemple, si on prend l'exemple chez les humains où il y a un enseignant qui donne un cours et les élèves n'apprennent pas, ben, avec cette définition, ça ne rentre pas dedans. Voilà, ça ne serait pas de l'enseignement. On va faire peur à tous les profs qui nous écoutent. Alors moi, quelles espèces remplissent ces fameux critères d'enseignement ? En fait, c'est quand même assez rare dans la nature, parce qu'il faut remplir ces trois critères, et c'est assez compliqué de justement trouver des données pour tous ces critères-là. Et pour l'instant, il n'y a que quatre espèces qu'on a observées qui remplissent ces critères. D'accord. Et c'est pas du tout les espèces auxquelles on peut penser, justement, parce que souvent on pensait que l'enseignement c'était quelque chose d'humain, donc on peut penser que les espèces proches des humains enseignent, et en fait on a trouvé des comportements d'enseignement chez des espèces vraiment diverses. Donc on a trouvé de l'enseignement chez une espèce de fourmi Temnothorax albivenis. Okay. Donc, on ne penserait pas trop aux fourmis pour ce genre de comportement. Non, exactement. Et c'est vraiment la première évidence scientifique de ce comportement chez les animaux non humains. Ensuite, on voit de l'enseignement chez les suricates, donc un petit mammifère qui habite en Afrique du Sud. Chez le Craterop bicolore, qui est une espèce d'oiseau qui habite aussi en Afrique du Sud. Et finalement, il y a quelques années, on a aussi trouvé de l'enseignement chez le Marion superbe, qui est un tout petit oiseau vraiment magnifique qu'on trouve en Australie. D'accord. Donc c'est vraiment ces quatre espèces qui, pour l'instant, qui remplissent tous ces critères. Mais il y a quand même une vingtaine d'espèces, plus ou moins, qui remplissent certains de ces critères, mais pas tous. Donc, par exemple, il y a de l'évidence comme quoi les individus modifient leur comportement, mais on sait, dans la plupart des cas, on ne sait pas s'il y a de l'enseignement. D'accord. Donc, par exemple, chez les jaguars, on pense qu'il y a peut-être de l'enseignement lorsque les mères ramènent une proie à leurs enfants, mais ils la ramènent quand les jeunes sont quand même assez débrouillards. Ils ramènent la proie vive, donc potentiellement pour enseigner aux jeunes comment chasser et les techniques justement pour attraper les proies avant de les tuer. Donc on voit vraiment cette modification de comportement qui ne se fait pas quand les jeunes sont plus jeunes, en fait. Ouais. Et il y a un coût aussi à ce comportement, parce que la proie, elle peut s'échapper, en fait. Donc, ça serait, si la mère voudrait juste ramener une proie pour nourrir ses enfants, la tuerait, ça serait beaucoup plus simple. Mais le seul problème, donc, dans ce cas, par exemple, on ne sait pas si les jeunes apprennent, s'ils deviennent plus efficaces en chasse après avoir eu cette expérience ou pas. D'accord. Du coup, pour ces différents exemples que vous nous avez donnés, c'est dans quel type de comportement qu'on observe cet apprentissage ? Par exemple, les suricates, comment est-ce que ça se manifeste, cet enseignement ? Donc, c'est surtout relié à la nourriture. En tout cas, ça a été observé surtout relié à la nourriture. Donc, chez les suricates, c'est l'exemple qui a été le plus accepté dans la communauté scientifique. Et en fait, ils ont vu, donc c'est un peu similaire que l'exemple des jaguars, mais ils ont vu justement que les adultes ramènent des proies à leurs petits, mais ils les ramènent à différents stades plus ou moins de mort. D'accord. un petit peu amoché, très amoché. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils ont vu que quand les jeunes étaient très jeunes, ils leur ramenaient des proies mortes. Donc en fait, leurs proies, pardon, ce sont des scorpions qui sont venimeux. D'accord. Et donc c'est assez dangereux à manipuler. Donc faut vraiment, pour qu'ils se nourrissent, il faut vraiment qu'ils apprennent à enlever le dard et à ne pas se faire piquer pour pouvoir manger. Et donc, du coup, quand les, enfin, oui, voilà, quand les petits sont, sont très jeunes, ils leur amènent juste des proies mortes pour, ben justement, pour qu'ils puissent manger, risque, voilà, ouais. Et puis qu'ils apprennent peut-être, enfin, que justement, un scorpion, il faut manger un scorpion. Ensuite, quand, quand les jeunes sont un peu moins jeunes, ils ramènent des proies vivantes, mais sans le dard. Donc, du coup, il faut que les jeunes apprennent à manipuler, mais il n'y a pas trop de risque. Il n'y a pas de risque de se faire piquer. Voilà, exactement. Okay. Le scorpion peut quand même s'échapper. Et en fait, c'est, on voit qu'il y a un coût à ce comportement parce que justement, bah, des fois, les scorpions ils s'échappent. Donc, il faut que l'adulte ramène le scorpion jeune ou il faut qu'il aille en trouver un autre. Et ensuite, finalement, la troisième étape... c'est donc quand les jeunes sont, sont plus débrouillards, ils ramènent aux petits des scorpions vivants avec le dard. D'accord. Et donc là, du coup, il faut qu'ils apprennent à manipuler sans se faire piquer. À faire la totale, quoi. Voilà. Et donc vraiment, cette étape, étape par étape, qui permet de montrer qu'ils apprennent finalement à En fait, ça, c'est plus pour montrer le fait qu'ils changent. Donc, ouais. Il y a vraiment une modification en fonction de l'âge, en fonction de l'âge des jeunes. Et il y a un coût, justement, parce que les scorpions peuvent s'échapper. Au niveau de l'apprentissage, ils ont fait des expériences sur le terrain qui étaient vraiment très intéressantes. Et ils ont vu que s'ils donnaient des scorpions morts aux jeunes qui étaient plus vieux, eh ben, ils donnaient que ça. Ils allaient bien moins se débrouiller que s'ils donnaient des scorpions vivants. Voilà. Okay. Donc, il y a vraiment un effet de ce changement de comportement chez les jeunes. Et donc, les jeunes deviennent plus efficaces à attraper des scorpions et à bien pouvoir les manipuler. Et du coup, c'est vrai que, donc là, on le disait, donc les suricates, les cratéropes, les mérions et donc les fourmis, c'est vrai qu'on s'attendrait à voir du primate ou au moins des animaux qui utilisent les outils, et ouais. Pas du tout. Alors, pourquoi ? Mais c'est, enfin, en fait, si, comme l'enseignement, ouais, pendant très très longtemps, on a pensé que c'était humain. Donc, on peut, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut penser que on peut trouver ça chez des espèces qui sont assez proches de nous, chez des espèces qui partagent des comportements similaires aux nôtres, donc notamment l'utilisation d'outils. Mais en fait, on ne sait pas exactement pourquoi. En fait, comme il n'y a que 4 cas, on ne sait pas exactement comment l'enseignement a évolué, mais on peut supposer quelque chose. Donc, par exemple, chez les primates, en fait, surtout chez les grands singes, donc les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, y a quand même, ils sont vraiment très bons à apprendre socialement les uns des autres. Et ils ont aussi beaucoup d'opportunités pour apprendre socialement. Donc, les jeunes vont passer beaucoup de temps avec leurs parents. Donc, ils ont des longues périodes de développement. Et donc, ils ont beaucoup d'opportunités d'apprendre. De donc, il n'y a pas ouais. vraiment besoin que les adultes aient un coût pour que les jeunes apprennent parce qu'ils ont cette opportunité d'apprendre sans qu'il y ait ce coût. Alors, par exemple, donc j'ai donné l'exemple des jaguars. Et les jaguars, en fait, eux, ils chassent seuls dans la nature. Donc il n'y a pas exactement beaucoup d'opportunités pour les jeunes pour qu'ils apprennent. Alors que, par exemple, il n'y a pas d'exemple d'enseignement chez des animaux qui chassent en meute parce que D'accord. justement les jeunes peuvent juste suivre les autres adultes et peuvent apprendre avec les autres, sans qu'il y ait ce changement de comportement ou ce coût. Donc oui, comme c'est un comportement qui a un coût, ben, s'il n'y a pas besoin d'avoir ce coût, il va y avoir d'autres solutions. Après, pour les outils, j'avoue, je ne sais pas trop parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué d'utiliser un outil. Ça peut prendre du temps à maîtriser finalement. Exactement. Ouais. Donc on peut penser qu'il pourrait y avoir de l'enseignement dans ces cas-là pour faciliter la transmission d'informations. Mais il n'y a pas énormément, il faut dire qu'il n'y a pas énormément d'espèces qui utilisent des outils. C'est vrai. Il n'y a pas énormément d'espèces non plus qui utilisent des outils et qui ont cet apprentissage social pour dans le contexte de l'utilisation d'outils. Donc c'est peut-être pour ça, parce qu'il n'y a juste pas beaucoup de cas d'utilisation d'outils. Donc ouais, mais on sait pas trop. En fait, il faut vraiment, je pense que pour comprendre comment l'enseignement a évolué, faut vraiment trouver d'autres cas pour pouvoir comparer dans quelles conditions ça a évolué. Donc peut-être que c'est pas vraiment des conditions cognitives qu'ont permis à l'enseignement d'évoluer, mais plutôt des conditions sociales ou oui, environnementales qui ont fait que ça favorise ce comportement coûteux. Tout à fait. Et donc, pour revenir un petit peu à votre sujet, donc, lors de votre thèse, vous avez étudié principalement un petit singe très particulier, le tamarin lion doré. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur lui? Et déjà, pour aider un peu nos auditeurs, à quoi est-ce qu'il ressemble? Ouais, en fait, c'est un petit singe, je pense à peu près la taille d'un chat sans la queue. Et comme le nom l'indique, il est doré, enfin il est plutôt orange, ce qui aide pas mal pour les trouver dans la forêt. C'est vrai. Et ensuite, il s'appelle tamarin lion doré parce qu'il a une petite crinière autour de la tête qui trop mignon. Ressemble un peu, ouais, un peu comme un lion. Et ouais, non, ils sont vraiment mignons. Et ils vivent où ces singes du coup? Ils vivent au Brésil et en fait vraiment dans une forêt, la forêt atlantique du Brésil qu'on le trouve vraiment sur la côte. Est, donc dans l'état de Rio de Janeiro. D'accord. Et le problème, c'est que cette forêt est vraiment... Enfin, il y a beaucoup de déforestation et elle est très fragmentée. Donc, il n'y a vraiment que des petites poches de forêt. Ce n'est pas tout connecté. D'accord. Et donc, enfin, ils vivent dans cet environnement-là et ils ont longtemps été en danger. Enfin, ils sont toujours encore en voie d'extinction. D'accord. Il y a eu un grand projet de réintroduction pour aider à sauver l'espèce qui a vachement bien marché dans les années 70. Et le nombre de la population a beaucoup augmenté. Sauf que maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'habitat pour la population. Et le problème, c'est que, donc, comme je disais, les forêts sont fragmentées, donc il n'y a pas... Ils peuvent pas, les différents groupes qui ouais. vivent dans différentes poches de forêt ne peuvent pas échanger, quoi, se retrouver. Et donc, il va y avoir un problème. Si ces forêts ne se reconnectent pas, il va y avoir un problème au niveau génétique. Et ouais. Et s'ils restent entre eux, ils risquent de s'accoupler qu'avec des individus voilà. proches d'eux. Et, ouais. Donc ça, c'est le problème en ce moment. Heureusement, il y a une ONG qui travaille, ça fait des années qu'ils travaillent avec eux et en ce moment ils sont justement en train de replanter des forêts pour essayer de pour connecter exactement connecter différentes populations. Et le programme qui visait à réintroduire ces animaux, en fait, c'était des animaux captifs, des animaux de parc zoologique. Comment est-ce ouais. que ça s'est passé? Ouais, ce sont des animaux de zoo en fait. D'accord. Et au début ils ont essayé de les réintroduire, ils ont juste essayé de les relâcher et ça n'a pas du tout marché. Et ensuite, ils ont vraiment établi un programme pour les relâcher vraiment petit à petit. Par étape. Et donc aux animaux de captivité, ils ont réappris un peu leur habitat. Ensuite, ils les avaient mis en contact avec des animaux sauvages. Et après, une fois qu'ils les ont relâchés, ils leur donnaient de la nourriture, ils leur donnaient des endroits pour dormir, pour qu'ils soient habitués, pour que petit à petit ils puissent, ils peuvent, enfin, parce qu'autrement, une fois relâchés, ils ont jamais eu de prédateurs, ils ont pas forcément la nourriture qu'ils trouvent dans la forêt originale. Donc du coup, une fois qu'ils ont fait des étapes petit à petit, ça a vraiment vraiment bien marché. Oui. Et quelles sont ses particularités à ce tamarin? Comment est-ce qu'il vit? En fait, oui, c'est ce qui est très intéressant et une des raisons pour lesquelles j'ai étudié le tamarin lion doré, c'est qu'il vit les groupes sociaux, c'est un groupe de reproduction communautaire. Donc d'accord. En fait, il y a un père, une mère, plus ou moins, qui sont les chefs de groupe. Et ensuite, il y a les jeunes, les petits de la père et mère, et il y a aussi des aides qui sont là. Donc, c'est souvent les jeunes des années précédentes qui d'accord. vont rester dans leur groupe natal pendant quelques années, qui vont aider les petits, enfin les parents à prendre soin des petits. D'accord. Et en fait, on retrouve dans les quatre espèces dans lesquelles on a d'évidence d'enseignement, on retrouve ce système-là plus ou moins, en tout cas dans trois d'entre elles, donc les suricates, le cratérope et le mériope. Et après, chez les fourmis, il y a aussi, enfin c'est pas un système de reproduction communautaire, mais c'est mais il y a quand même beaucoup de tous les individus en général sont liés, oui, ont des liens de parenté. Ils sont très apparentés. Et ils s'aident dans leur groupe, donc c'est pas un pour chacun pour soi. Oui, complètement. Donc, il y aurait quand même un petit dénominateur commun, finalement, à ces espèces, d'avoir ce système très communautaire, coopératif entre eux. Oui, exactement, parce que, justement, comme l'enseignement, c'est coûteux, avec ce système où on partage le coût des choses, ça permet, ça permet de réduire le coût du comportement d'enseignement chez chaque individu. Donc, ce coût est partagé. Donc, on pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on trouve dans des espèces vraiment, vraiment diverses. Ouais. Et donc, les espèces qui ont cette coopération au sein du système. Ouais. On vous propose une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était AMPM, I Can't Sleep, un extrait de l'album Aside du groupe My Imaginary Loves. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie et je reçois aujourd'hui la docteure Camille Troisy, postdoctorante à l'University College de Cork en Irlande, et elle nous parle aujourd'hui de ses travaux de thèse menés à l'Université de St Andrews sur l'enseignement chez les animaux. Alors on le disait avant la pause, vous étudiez l'enseignement notamment chez un petit singe originaire du Brésil, le tamarin lion doré. Alors comment est-ce que sont ces singes sur le terrain? Est-ce que c'est pas un peu difficile de travailler avec des animaux sauvages? Oui, c'est pas évident, c'est sûr. On n'a pas accès assez, enfin, quand on veut, aux animaux. Mais la chance que j'ai de travailler avec ce système, c'est que comme il y a eu un gros programme de reproduction. De réintroduction, pardon. Et donc, depuis cette réintroduction, il y a une ONG sur le terrain qui vraiment... qui va réintroduire les animaux, du coup, sur place Non, qui les suit. Ils font des suivis de population. Et donc, ils vont tous les jours sur le terrain. Ils savent où sont les individus. Et en fait, dans chaque groupe social... ils mettent un collier émetteur sur un des tamarins et ensuite ça nous permet de retrouver chaque groupe avec des fréquences radio. Ok, donc vous tous les matins vous étiez avec votre émetteur et vous cherchez où était votre groupe de singes. Voilà, okay. C'est ça. Donc il y a une partie, donc j'ai travaillé dans deux forêts distinctes. Il y a un endroit où en fait je travaillais plus ou moins seule parce qu'il y avait un gros chemin au milieu. Et ensuite, j'attendais plus ou moins que les groupes arrivent proches du chemin parce que je ne voulais pas trop m'aventurer dans la forêt parce qu'autrement, c'est un peu difficile d'en sortir. C'est ça. mais comme ces groupes avaient en fait, ce sont des groupes territoriaux, ils ont leur territoire en bordure de ce chemin. Okay. Donc, il me suffisait de marcher plusieurs fois en long, en large sur le chemin et d'attendre un peu. Et en général, il y avait trois groupes à cet endroit-là, donc j'en avais au moins un dans la matinée. Donc, d'accord. En fait, ce sont comme je travaillais avec de la nourriture, ils sont très motivés par la nourriture le matin. D'accord. Et ensuite, donc, fallait y aller quand même assez tôt. Réveil à 5h du matin. C'était chouette. Mais ensuite, il fait très chaud l'après-midi et ils font pas grand-chose l'après-midi. Ils sont beaucoup moins actifs. En fait, ils font la sieste et nous, ça nous permettait de rentrer et de faire la sieste. Exactement. Ce qui est bien appréciable. Donc, il y a quand même possibilité de les approcher finalement. Ils étaient quand même un peu habitués à la présence humaine. Oui, ça fait des années justement, il y a des gens sur le terrain qui les suivent et ils sont complètement habitués. Donc, enfin, pas tous les groupes sont habitués. Il y a certains groupes, donc les groupes avec lesquels j'ai travaillé sont habitués à la présence de l'homme. Donc, on peut s'approcher assez proche. Il ne faut pas faire de mouvements brusques ou quoi que ce soit. Mais on peut, ça nous permet en fait vraiment de les observer à des distances de quelques mètres. Ouais. Et donc, au niveau de vos expériences, comment est-ce que ça se passait? Donc, vous m'avez dit que vous observez donc l'enseignement. Comment est-ce que vous l'avez testé? J'ai fait plusieurs expériences. La première expérience que j'ai faite sur le terrain, c'était au niveau du transfert de nourriture. Parce qu'il y a une expérience qui a été faite en captivité qui a montré qu'avec ce tamarin, les adultes, en fait, transféraient plus de nourriture qui était nouvelle pour les jeunes comparé à la nourriture que les jeunes connaissaient déjà. D'accord. Donc, ils ont pensé peut-être qu'il y a ce transfert de nourriture nouvelle pour permettre aux jeunes d'apprendre ce qu'il faut qu'ils mangent. Nouvelles choses. Voilà. Okay. La première expérience que j'ai faite, c'était pour savoir si déjà ils faisaient ça dans la nature aussi. Ouais, parce que bon, évidemment, en captivité et dans la nature, il y a beaucoup plus de prédateurs. C'est beaucoup moins contrôlé qu'en captivité. Donc, je voulais savoir si on retrouvait la même chose dans la nature, et aussi je voulais savoir si justement les jeunes apprenaient grâce à ça et s'ils allaient préférer la nourriture qui leur avait été donnée par les adultes. Donc, comme je pouvais approcher les groupes assez proches, je leur donnais différents types de nourriture, de la nourriture qu'ils connaissaient déjà. D'accord. Par exemple, la banane. Très, très bon, la banane. C'est le cliché, mais en fait, oui, les gens qui suivent cette population, ils leur donnent des bananes de temps en temps pour pouvoir les capturer et aussi D'accord. pour pouvoir les approcher. Donc, du coup, ils connaissent... Enfin, c'est pas... La banane, ils la trouvent pas dans leur environnement naturel, mais c'est une nourriture qu'ils connaissent. Souvent, voilà. Mmh. Et ensuite, j'en ai donné deux autres types de fruits, donc des pommes et des raisins qu'ils n'avaient jamais vus avant. Et je les ai, enfin, donc dans des petits pots, comme ça, attachés aux branches. Et ensuite, j'ai regardé donc les groupes approchés parce qu'ils étaient intéressés par la nourriture. Et ensuite, j'ai regardé donc justement ce qu'ils faisaient avec cette nourriture, quel individu mangeait quoi, et s'il a mangé juste en la prenant des petits pots, ou s'il a mangé après que ça a été transféré en fait d'un adulte à un jeune, ou d'un jeune. Il y a, en fait, les transferts, ça se fait principalement des adultes jeunes, mais on voit aussi certains transferts entre adultes et adultes, et entre jeunes et jeunes, il y en a qui essayent de se. Du coup, les jeunes viennent à côté des adultes en train de manger, puis ils essayent, soit ils réclament, soit ils essayent de prendre de la nourriture voilà. des adultes. Voilà, donc il y a beaucoup, oui, ils quémandent en fait, c'est un peu comme les oiseaux, ils essayent d'avoir la. Enfin, que les parents les nourrissent. Et il y a aussi certains transferts qui sont où l'adulte a une position beaucoup plus active, donc ils vont faire une vocalisation spécifique où ils vont tendre la main pour que le jeune approche et prenne la nourriture. Ouais. Okay. Et donc, avec ces fameuses expériences de nouvelles et anciennes nourritures, qu'est-ce que vous avez pu observer de beau? Ben en fait, donc on pensait que justement, s'ils enseignent, on pensait voir plus de transferts de nourriture nouvelle entre les adultes et les jeunes, comparé à la nourriture familière. Et on pensait aussi que, ben, du coup, que si les jeunes apprenaient grâce à cette nourriture, ben, que les choix qu'ils vont faire plus tard dans leur vie va être dépendant de la nourriture qui leur a été transférée. D'accord. Donc pour la première partie, en fait, quand j'ai donné ces différents types de nourriture au groupe qui était présent, les jeunes étaient assez jeunes. D'accord. Donc ils étaient quand même très dépendants des adultes pour la nourriture, donc ils quémandaient, ils cherchaient. Enfin, il y a beaucoup de soins parentaux dans cette espèce, donc il y avait beaucoup de transferts de nourriture. Et à ce moment-là, j'ai vu que en fait, dans la nature, ils transfèrent autant la nourriture qui leur est familière que la nourriture nouvelle. Et ensuite, je suis retournée sur le terrain plusieurs mois plus tard pour voir justement s'il y avait un effet à long terme chez les jeunes et si, quand ils étaient plus grands et quand ils dépendaient moins des adultes, s'ils allaient, justement, si ces transferts de nourriture allaient avoir un choix, sur leur choix. Donc, j'ai redonné de la pomme, des raisins, etc. Et de la banane. Et j'ai aussi rajouté deux autres fruits qu'ils n'avaient jamais eu avant, donc, et auxquels ils n'avaient pas d'expérience. Et donc, je n'ai pas vu d'effet particulier des transferts de nourriture comparé à l'expérience que les jeunes avaient eue en mangeant la nourriture eux tout seuls. D'accord. Mais par contre, le fait d'avoir eu une expérience avant, en général, que ça soit social ou pas social, favorise les choix de nourriture plus tard. Donc, ça veut dire que la nourriture qu'ils avaient eue quand ils étaient jeunes, à un moment donné, finalement, ils vont avoir tendance à plus la choisir plus tard. Mais finalement, qu'ils la mangent tout seuls ou que ce soit les parents qui leur donnent, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Voilà, exactement. Okay. En tout cas, dans mon expérience, après, c'est vrai que j'ai utilisé des fruits dans mon expérience parce que éthiquement et logistiquement, c'est beaucoup plus facile. Mais faut savoir que donc, ces tamarins mangent beaucoup de fruits, ils mangent aussi beaucoup d'insectes. D'accord. Qui sont assez compliqués à manipuler. Et en fait, il faut les trouver dans des trous, sous des feuilles, tout ça, dans des crevisses. Donc, je n'ai pas utilisé des insectes parce que c'était assez compliqué. Mais c'est aussi possible que les adultes transfèrent plus ces insectes et que du coup, ça leur permet plus tard d'apprendre grâce à ces transferts-là. Parce qu'autrement, ils n'auraient pas l'expérience de manger des insectes sans ces transferts. Sans ces démonstrations-là, ouais. Je comprends. Et donc, la deuxième partie, vous avez parlé de vocalisation. Oui. Apparemment, quand ils donnent activement la nourriture. Et du coup, qu'est-ce que vous avez testé avec ces vocalisations? Oui, en fait, donc, quand les adultes transfèrent, font un transfert où ils sont actifs et ils veulent, enfin, on ne sait pas s'ils veulent, mais ils sont plus actifs dans le transfert de nourriture, souvent, ils émettent ces cris de transfert, qu'on appelle. Et donc, il y a des chercheurs qui ont observé au niveau sauvage, comme quoi les adultes, dans certains cas, ils changeaient le contexte dans lequel ils utilisaient ces cris. D'accord. Donc, au lieu d'émettre ces vocalisations et ensuite de transférer la nourriture aux jeunes, ils ont vu des adultes qui étaient en train de fourrager dans un endroit particulier, qui n'avaient pas pris de proie dans cet endroit-là, mais qui émettaient quand même ces vocalisations. Et en fait, les jeunes, ils venaient quand même voir l'adulte et ils ne voyaient pas de nourriture dans leurs mains. Okay. Et ils commençaient à chercher la nourriture là où l'adulte avait cherché. Ils prenaient la proie qui était dedans et les adultes les laissaient faire, en D'accord. fait. D'accord. Un peu comme s'ils les appelaient, genre viens voir par là, il y a un truc qui se passe. Exactement, c'est okay. ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que les chercheurs qui ont observé ça pensent. Donc, peut-être qu'ils les attirent à cet endroit pour leur apprendre non pas quelle nourriture manger, mais où trouver la nourriture. Okay. Et donc, ils ont vu ça. Donc, en fait, ce changement de contexte se fait quand les jeunes sont un peu plus vieux. Et donc, moi, je voulais savoir si, en fait, du coup, si les jeunes apprenaient. Donc, ça, c'est le troisième critère de la définition du comportement d'enseignement. Donc, justement, si ces cris avaient vraiment un effet sur le comportement des jeunes. OK. Et dans les faits, du coup, comment ça se passe? pour voir s'il y avait un effet, j'ai utilisé une expérience de playback où en fait, on émet un son avec un nouveau substrat, en quelque sorte. Donc, à tous les groupes, je leur ai donné une boîte en plastique qu'ils n'avaient jamais vue avant. Donc, en quelque sorte, c'est un nouveau endroit où chercher de la nourriture qu'ils ne connaissent pas. Et donc, dedans, j'avais mis des bananes parce que je savais que bon, ça, ils aimaient bien. Ça marchait tous les coups, les bananes. Donc, certains groupes, je leur ai donné cette boîte-là. Et en même temps, quand ils venaient, en fait, j'émettais des vocalisations, ces vocalisations spécifiques. D'adultes, du coup, pour attirer des jeunes. Okay. Et ensuite, dans d'autres groupes, je leur donnais la boîte. Et il n'y avait pas ces vocalisations-là. D'accord. Donc, ils avaient juste la boîte. Et donc, je voulais voir si, justement, d'abord, si ces vocalisations attiraient vraiment les jeunes. Ouais. Parce que ça a été observé, mais expérimentalement, on ne savait pas si ça avait un effet. Donc, je voulais voir l'effet immédiat des vocalisations. Et ensuite, je suis retournée sur le terrain, donc 6 mois plus tard, et je voulais voir l'effet qu'avaient eu ces vocalisations sur, justement, le comportement des jeunes. Et s'ils avaient appris à associer les vocalisations au fait que... chercher de la nourriture. Voilà. OK. Et donc, est-ce que vous avez vu des différences entre les groupes où il y avait ces vocalisations et ceux où il n'y en avait pas? Oui, donc cette fois-ci, on en a vu dans cette expérience. Donc déjà, lorsque les vocalisations étaient émises, on a vu que les jeunes interagissaient plus avec cette boîte qu'ils n'avaient jamais vue et ils arrivaient à prendre plus de nourriture de cette boîte comparé aux jeunes qui avaient juste la boîte sans les vocalisations. Okay. Donc, on pense que vraiment, ces vocalisations, elles attirent les jeunes là où elles sont émises, en fait, les vocalisations. Et ça permet aux jeunes, ensuite, d'apprendre à chercher la nourriture. La nourriture, OK. Et ensuite, on a aussi vu, sur le long terme, donc cette fois-ci, 6 mois plus tard, j'ai redonné ces boîtes à tous les groupes et il n'y avait pas de vocalisation à ce moment-là. Donc, vraiment, pour voir l'apprentissage. Et on a aussi trouvé que les jeunes qui avaient eu les vocalisations plus tôt dans leur vie, eh ben, ils mangeaient plus de cette boîte que les jeunes qui n'avaient pas eu les vocalisations. Donc, en fait, ça suggère que ces vocalisations, elles permettent aux jeunes d'apprendre. Parce que là, on retrouve du coup les trois critères, finalement, parce que du coup, il y a le comportement de l'adulte qui indique qu'il y a de la nourriture. Il y a un coût, j'imagine, à produire cette vocalisation. Mais en fait, le problème, donc il y a vraiment les deux critères, la modification et l'apprentissage. Donc, le avec mon expérience, le coût, on peut le supposer, mais ça n'a jamais été testé expérimentalement. C'est compliqué aussi. Exactement. De mesurer. Donc, on peut supposer, mais donc on ne peut pas dire que c'est de l'enseignement, parce qu'il n'y a pas ce deuxième critère. Il y aurait deux critères sur trois, quand même. Voilà. mais c'est dans la bonne direction, en tout cas pour ce contexte de vocalisation. Et puis oui, c'est impressionnant de voir que, voilà, après coup, les petits ont quand même réussi à associer les deux. Alors là, on a beaucoup parlé du tamarin, mais pour finir, moi, je voulais qu'on discute un tout petit peu des poules, parce que vous avez aussi étudié les poules dans ce contexte d'apprentissage. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous les avez testées, qu'est-ce que vous avez observé avec ces fameuses poules? Oui, mais en fait, les poules, c'est aussi le comportement d'enseignement. Enfin, il y a des supposés comportements d'enseignement entre encore une fois, les adultes, bon, les mères dans ce cas-là, et les jeunes. Et il y a une expérience qui a été faite il y a quand même quelques années qui a montré que, en fait, quand ils ont entraîné des poussins à manger de la nourriture jaune et certains autres poussins à manger de la nourriture rouge. OK, comme des grains colorés. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Ouais. Non, et donc, la nourriture de poule, enfin, des granules, et ensuite, ils avaient juste rajouté des colorants alimentaires. OK. Donc, ça, c'était assez facile. Ça va. Et ensuite, ils ont entraîné les poules à apprendre qu'une nourriture était bonne et une était mauvaise. D'accord. Donc, par exemple, dans ce cas-là, ils avaient appris à une poule que la nourriture jaune était bonne et la nourriture rouge était mauvaise. Mais ils avaient un mauvais goût. Comment est-ce qu'ils font pour que... Oui. D'accord. Donc, en fait, ils rajoutent de la quinine, qui est ce qu'on retrouve dans le tonique. Enfin, c'est une substance amère, en fait, ouais. qui n'est pas toxique du tout, mais c'est juste amère. Et en fait, pour les poules, c'est pareil. Elles n'aiment pas trop ce goût. Ça. OK. Donc, ils avaient rajouté... Donc, pour les poules différencier entre les deux couleurs, ils avaient rajouté de la quinine dans une des couleurs, et comme ça, en fait, une fois que les poules elles goûtaient la quinine, elles partaient direct à l'autre. Plus. Voilà. Non. Donc les poules, elles savaient qu'il y avait une nourriture bonne et une mauvaise, et les poussins, ils avaient juste appris qu'il y en avait une bonne. Et ensuite, ils ont confronté les poules aux poussins, et quand les poules, elles voyaient leur poussin manger ce que elles pensaient qu'était la nourriture mauvaise, donc si leur poussin, donc dans le cas des poules qui avaient été entraînées à savoir que la nourriture jaune était bonne, si elles voyaient leur poussin manger la nourriture mauvaise, mm-hmm. donc la nourriture rouge, et ben elles se comportaient différemment que quand elles observaient les poussins qui mangeaient la nourriture jaune. OK. Donc elles grattaient le sol beaucoup plus et elles picoraient le sol beaucoup plus. D'accord. Donc quand ils observaient ça, ils ont pensé que ben peut-être elles essayent de changer le comportement des jeunes pour les attirer loin, ailleurs, quoi. Voilà, loin de la nourriture qui est mauvaise, et les attirer vers elles, parce que souvent, en fait, les poules, lorsqu'elles picorent le sol, les poussins arrivent, quand ils sont jeunes, ils arrivent dessus. Voilà. Là, ils avaient mis une barrière pour les empêcher d'avoir un contact physique. Mais donc, ils ont pensé, même peut-être, qu'elles voulaient les détourner. Quoi. Voilà, genre, et donc leur apprendre à éviter la mauvaise nourriture. D'accord. Donc moi, je voulais répliquer cette expérience. Voilà, c'est très important. Enfin, en science, on entend souvent parler des innovations et des grandes découvertes. Mais c'est quand même très important pour être sûr des résultats, de refaire les expériences plusieurs fois, de les répliquer dans différents contextes pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait, et être sûr des résultats. Donc, je voulais répliquer ça. Et ensuite, je voulais étendre l'expérience et voir justement la réaction des poussins à la réaction de la poule. D'accord. Donc, voir si, en fait, les poussins apprenaient et évitaient la nourriture et ils allaient changer. OK. Et en fait, j'ai eu des problèmes de manipulation. Ça arrive, c'est aussi voilà. Ça la science, il faut le dire. Beaucoup de choses qui ne marchent pas, en fait. Donc, en fait, la quinine, c'est utilisé... Donc, ça avait super bien marché dans l'expérience d'avant avec les poules, mais ça marche avec plein d'autres espèces. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Enfin, ça n'a vraiment pas bon goût, quoi. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand j'ai entraîné mes poules... Et ben elle mangeait quand même la nourriture avec la quinine. Donc j'ai essayé, de rajouter plus de quinine, de vraiment la faire, enfin faire qu'il y ait une nourriture vraiment mauvaise. Et au final, j'ai quand même réussi à les faire atteindre un certain seuil pour donc elle mangeait principalement la nourriture qui était bonne. Il y en avait toujours une ou deux qui allaient quand même voir. Ouais, mais en fait, dès qu'elles étaient confrontées aux poussins, ben elles faisaient, enfin c'est comme si elles n'avaient pas appris en fait. D'accord. Elles mangeaient aussi bien de l'une que de l'autre. Du rouge que du jaune. Donc du coup, au niveau de la démonstration, ben je peux pas trop. Je peux pas trop dire qu'est-ce qui, enfin, je peux pas trop regarder l'effet sur les poussins parce que les poules elles ont pas vraiment démontré. Elles n'avaient pas de préférence. Voilà. Quoi. Donc du coup, donc ça, voilà, c'était un peu, ça a pas trop marché. C'est les aléas de la recherche. Oui, oui, oui. Il faut le dire aussi. Des fois, on a l'impression que tout a bien marché. Et non, des non, fois, souvent, non. Souvent ça marche pas. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'essais pour essayer de trouver quelque chose qui marche. Mais peut-être qu'une équipe va être motivée pour répliquer cette expérience et peut-être que dans quelques mois, années, on aura une preuve que les poules apprennent à leur poussin. Oui. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. Oui, oui. Il faut l'espérer. On sait jamais. Il faut l'espérer. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Camille pour toutes ces informations fascinantes sur l'enseignement, aussi bien chez les tamarins que chez les poules, malgré les ratés. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission et creuser la question de la culture et de l'enseignement chez les animaux, je vous propose deux ouvrages assez complémentaires. Le premier et le plus facile d'accès s'intitule « L'école des suricates à la découverte des cultures animales » de Michel de Pracontal aux éditions Point. Le livre est assez court, 200 pages, mais aborde tout plein de notions différentes, des fondamentaux à propos de la culture animale dont je vous ai parlé dans la chronique, utilisation d'outils, immo et ses patates douces, chant de baleine, etc. Mais avec son style vif et immersif, Michel de Pracontal nous emmène sur le terrain avec le couple de primatologues Edwige et Christophe Bosch qui étudie l'utilisation d'outils en nature chez les chimpanzés du parc du Taï en Côte d'Ivoire. Il nous fait aussi revivre les vifs débats par papier scientifique interposés entre chercheurs qui ont accompagné les avancées dans le domaine. Il raconte également avec humour le succès de la série télé pour la BBC dédiée aux suricates qu'il compare au Loft de M6, où explique la frontière entre l'homme et l'animal en citant Blade Runner et Philip K. Dick. Il y a donc bien question de culture, d'enseignement, d'éthologie, mais aussi de théorie de l'esprit et d'empathie, d'autres notions passionnantes dont j'espère pouvoir vous parler à l'avenir. Le tout agrémenté de dizaines de références, aussi bien à des recherches académiques qu'à la pop culture. C'est un livre qui se lit très bien et que je vous recommande chaudement. Le second ouvrage, plus académique et un poil plus sérieux au niveau du style, s'intitule « Les origines animales de la culture » par Dominique Lestel, philosophe et éthologue enseignant à l'École normale supérieure à Paris. Le livre est paru aux éditions Flammarion dans la collection Champs Essais. Plus dodu que le livre précédent, il fait 400 pages environ, cet essai propose davantage d'explorer les questions irrésolues de la frontière entre l'humain et l'animal, de s'interroger, disserter et philosopher, car la question est effectivement propice à ce genre de réflexion. Dominique Lestel propose aussi de faire un récapitulatif détaillé de l'historique de l'éthologie, de ses doctrines et de ses architectes. Il parle bien sûr de Lorenz, Tinbergen et von Frisch, revient sur leurs idées, développe les concepts défendus par von Exkull ou Bateson et les avancées obtenues grâce aux études de terrain de Jane Goodall. Il s'attarde aussi sur les conflits d'idées et les débats virulents, mais alimente aussi la réflexion du lecteur en croisant les disciplines et en évoquant les travaux de psychologues et d'anthropologues. Il s'interroge sur les comparaisons de culture animale et humaine et leur validité. Et il revient aussi très en détail sur les faits décrits précédemment. Mésanges ingénieuses, macaques doués de culture, outils chez chimpanzés, chants de baleines, dialectes et tant d'autres. Un ouvrage très complet, très utile pour aller plus loin, creuser la question en détail et bien sûr se poser les bonnes questions. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.